déodorant poudre bi diñ ci fekk déodorant poudre bu nga xamante ci benn mbuus la nekk nii moom laa sotti yëpp ci benn mbuus ci ay boîte la nekkoon mais ma sotti ko ci mbuus noonu à peu près 2 kilos 275 après 2 kilos 275 lépp mi ngi coûté lépp mi ngi coûté à peu près 8 200 francs CFA 2 kilos 275 après lépp 8 275 8 275 alors que la fin.